Frédéric Oudéa, bonsoir. Bonsoir Olivier. Vous êtes directeur général de la Société Générale, ancien polytechnicien. Avez-vous fait de la musique vous-même ? Je m'y suis essayé 6 mois. En dehors de la musique que j'ai pu apprendre à l'école, à un moment j'étais tenté de faire du piano et puis j'ai assez vite arrêté en fait, parce que je ne suis pas vraiment doué à mon avis. Ah bon ? Mais vous avez chanté quand même avec la Société Générale. Oui, et j'aime beaucoup chanter, j'aime siffler, j'aime, vous voyez, quand je suis tout seul, ouais, j'ai des airs qui me passent dans la tête. Vous allez me donner des idées, je vais vous faire chanter. Ah bah je pourrais essayer de vous chanter certains airs, mais bon, vous pourriez le regretter. En tout cas, ce soir, Radio Classique rediffuse Playing for Philharmony, c'est le concert que les musiciens... Alors, les choristes salariés de la Société Générale, 300 choristes, dont 50 africains, c'est ça? Alors, 300 collaborateurs, choristes et musiciens dans l'orchestre. Et musiciens aussi, ah oui. Absolument, si vous voulez. Il y avait au total à peu près 360 musiciens présents. Un orchestre composé à hauteur de 60% de salariés Société Générale et de 40% de musiciens professionnels des siècles. Orchestre avec lequel on travaille maintenant depuis 3 ans sur ce projet extraordinaire. Dirigé par François-Xavier Roth, qui est un chef d'orchestre absolument génial et une personne formidable. Et puis, à peu près donc 250 choristes, quasiment exclusivement des salariés de Société Générale, avec aussi quelques, bien sûr, professionnels, chefs de chœur, travaillant avec François-Xavier. Donc, vous voyez, l'essentiel étant des musiciens de la Société Générale. Au programme Wagner, Verdi, Grieg, Handel, Berlioz, Beethoven, les auditeurs de Radio Classique le découvriront ce soir. Et aussi le cantique de Jean Racine de Gabriel Fauré que vous avez choisi. Cantique de Jean Racine, un chef-d'œuvre qu'il a composé, Gabriel Fauré, à l'âge de 19 ans, alors qu'il était encore étudiant. C'est incroyable. Alors que nous, qu'est-ce que vous faisiez quand vous aviez 19 ans, Frédéric Oudéa? Quand j'avais 19 ans, j'étudiais beaucoup de maths, oui. Beaucoup de physique. Voilà. Et puis, je faisais du sport. Mais c'est une œuvre d'abord que j'ai découvert à l'occasion de ce concert, que les salariés, mes collègues m'ont fait découvrir, qui est une œuvre extraordinairement émouvante, je trouve. Et puis, vous le soulignez, à 19 ans, et dans la musique, moi, ce qui me fascine, c'est le génie créateur très jeune. C'est en tout cas ce que moi, j'assimile au génie. Comment pouvoir aussitôt, et c'est vrai aussi d'ailleurs dans la peinture, mais aussi jeune, créer quelque chose d'aussi abouti, c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel et que je respecte infiniment. Vous étiez inspecteur des finances dans une autre vie, Frédéric Oudéa, vous étiez conseiller de Nicolas Sarkozy quand il était ministre du budget, et puis on est venu vous chercher à la Société Générale, et vous êtes quand même arrivé au sommet. Alors à un moment donné, vous étiez président directeur général, et finalement, vous avez rétrogradé, si je puis dire, au poste de directeur général, comme si le président qui était à l'Élysée préférait aller à Matignon. Pourquoi ? Alors, d'abord, juste un mot sur ma carrière. Effectivement, d'abord, j'ai eu deux carrières. Une dans l'administration. Je suis toujours intéressé par la chose publique, par l'économie, par l'État, par le fonctionnement d'une société. Et j'ai passé 8 ans dans différentes fonctions extrêmement heureuses. Et je suis parti en fait vers le privé parce que en 95, je sentais que les choses ne fonctionnaient pas dans l'administration, qu'il y avait des choses à changer, que je n'étais pas convaincu qu'elles changent. Et j'ai voulu aller vers l'international. Et c'est ça, j'aurais pu aller dans un autre secteur. J'ai choisi la banque parce qu'au fond, encore une fois, l'économie m'intéressait. Et je me suis dit que c'était dans la banque que je trouverais peut-être le maximum d'épanouissement. Alors effectivement, vous le dites, je suis un miracle de la science moderne puisque je me suis découpé, je suis encore vivant. Voilà. Mais plus sérieusement, il y a une loi européenne qui impose effectivement de découper les deux fonctions de président du conseil d'administration dans une présidence qui est une présidence non exécutive, mais qui est très importante pour contrôler, pour valider la stratégie, pour animer le conseil d'administration et dialoguer avec nos régulateurs, les gendarmes qui surveillent les banques. Et puis, il y a le job très opérationnel de directeur général. Et si vous voulez, quand j'ai eu cette décision à prendre, j'avais une cinquantaine d'années, je me suis dit que je souhaitais en tout cas continuer à avoir les mains dans le cambouis, voir les clients, travailler à toutes les transformations profondes de la banque et conduire la Société Générale à bon port avant peut-être un jour de considérer ce type de fonction, mais j'ai préféré effectivement le job opérationnel. Frédéric Oudéa, en tant que directeur général de la Société Générale, donc un personnage important d'une des plus grandes banques européennes et mondiales, si vous aviez l'oreille du prochain président de la République, c'est bientôt, si vous aviez un conseil à lui donner pour que l'économie française se porte mieux, mais un conseil immédiat, ce serait lequel ? Moi, je dirais penser temps long et pas à la prochaine élection. La chose qui m'anime en tant que chef d'entreprise, et je pense que c'est encore plus vrai pour un président de la République qui a transformé un pays, c'est encore plus dur. Face à un monde qui change, face aux nouvelles technologies, il faut adopter une stratégie de long terme, s'y tenir avec une totale conviction, et je pense aussi, personnellement, essayer de former une équipe. Je ne pourrais pas être, si tant est que je le sois d'ailleurs, un bon directeur général de la Société Générale sans une équipe qui m'aide, qui relaye les messages, qui partage une ambition et une culture commune. Et je pense personnellement, face aux défis d'un pays, il faut là aussi une équipe. Donc je dirais, le temps long, une stratégie, une équipe, et puis y aller en fonction de convictions profondes. La Société Générale défend le rugby. Ce n'est pas votre sport préféré, je crois que vous préférez le foot et le tennis, si j'en crois le métier de votre épouse, qui est une tenniswoman. Qui était une ancienne championne du monde cadet. Elle le joue encore, non ? Oui, on joue encore. Elle est au comité directeur de la Fédération française de tennis, elle est encore impliquée dans ce sport, et puis on joue bien entendu ensemble et avec nos enfants. Et la Société Générale défend la musique. Alors, ça me ferait plaisir que vous disiez ce soir sur Radio Classique que c'est, si vous avez choisi de travailler à la Société Générale, c'est pour son implication pour la musique. Écoutez, je suis toujours quelqu'un de très franc, ce n'était pas forcément à l'époque la principale de mes motivations. Mais ce que je voudrais dire là-dessus, en tout cas, c'est vrai d'ailleurs pour le rugby, comme pour la musique, comme pour la fondation que nous avons créée il y a 10 ans, pour l'insertion des jeunes en difficulté. Il s'agit d'engagements longs, de politiques que l'on bâtit dans le long terme, et on a renforcé encore les moyens d'ailleurs de ces politiques dans la crise, alors même que nous étions dans la crise. Et je crois vraiment au temps long dans ces politiques. Et ce sont des politiques qui ont des éléments communs. On soutient à la fois l'excellence, l'équipe de France de rugby, des très fameux orchestres. On parlait de l'Orchestre des siècles, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis aussi la politique en faveur des jeunes. C'est vrai dans les écoles de rugby, c'est vrai dans l'insertion professionnelle avec des associations, et c'est vrai aussi dans le mécénat musical, vous savez, où on donne des bourses, où on prête des instruments, où on permet aussi à des jeunes qui n'auraient pas forcément accès à la musique d'y accéder. Et j'aime beaucoup cette cohérence, dans des domaines différents, cette cohérence entre nos différentes actions, et en plus on fait rencontrer ces mondes. Et par exemple l'année prochaine, ce seront nos 30 ans d'engagement à la fois dans le rugby et dans le mécénat musical Société Générale. Frédéric Oudéa, il fut un temps, pas si lointain, où les banques du monde sont devenues folles et ont privilégié le temps court, justement. Et là, ça fait la deuxième fois que vous nous parlez du temps long. C'est pour rassurer ou c'est simplement parce que vous pensez que c'est simplement une question de sagesse, que c'est nécessaire de penser à l'avenir, au développement durable? Ça va durable. Au-delà de la sagesse, si vous voulez, ça va... C'est la conviction que le monde dans lequel on est, les transformations, et nous, banques, nous sommes face à des transformations majeures, quand on voit les évolutions de nos clients avec les technologies nouvelles, le téléphone mobile, lorsqu'on voit l'évolution du monde, l'environnement économique et financier, nous avons des taux d'intérêt très bas, par exemple, c'est des choses très très nouvelles. On ne peut pas envisager de transformer une entreprise comme la Société Générale ou n'importe quelle autre entreprise d'ailleurs sans le temps long. Et je pense vraiment que c'est un élément important, justement parce que nous sommes dans un monde qui ramène parfois l'instantanéité. Dans un monde où on veut une réaction immédiate. Dans un monde parfois de la superficialité. Moi, j'essaie vraiment de m'inscrire dans un temps long, d'être en totale cohérence avec mes convictions. Et puis de mettre en place des actions et qui servent de référence, de guide à ce que nous souhaitons faire. Et je pense que dans les actions dont on parlait, le mécénat ou encore une fois la fondation, comment pouvoir prétendre en un trimestre régler des problèmes complexes ou permettre à quelqu'un de devenir excellent. Et le concert qu'on a fait était aussi de ce point de vue exceptionnel comme illustration d'un engagement sur un temps long. Un an avec d'intenses répétitions, mais qui aboutit à une excellence et une expérience inoubliable pour les collaborateurs de la Société Générale qui se sont retrouvés à 2 reprises à la Philharmonie de Paris. Certains d'entre eux ont commencé la musique il y a 3 ans. Et grâce à leur travail et encore une fois le temps long, ils ont réussi à être au milieu d'un orchestre avec des professionnels totalement légitimes. Ce sont des histoires extraordinaires et quelque part dans l'entreprise, c'est un peu la même chose. Et ça, c'est merveilleux aussi, parce que la musique, c'est un trésor pour toujours. C'est-à-dire, quand on apprend à chanter, quand on apprend à jouer un instrument, on peut le retrouver à tout âge. Exactement. Après. Alors ça, c'est la beauté, encore même, peut-être plus parfois de la musique que le sport. Je compte jouer au tennis vieux, mais enfin, on verra si mes genoux me le permettent. La musique, effectivement, le permet. Et la musique reste profondément inscrite dans la mémoire. Frédéric Oudéa, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite. Vous allez retrouver la mémoire à travers la musique avec les petites madeleines musicales. Passion classique avec Olivier Bellamy. Rediffusion de l'émission de 18h. Frédéric Oudéa, vous êtes né dans un environnement de scientifique. De médecin. Donc vous avez un peu trahi votre arbre généalogique, non? J'ai longtemps hésité, en fait. J'aurais bien aimé être chirurgien. Pour moi, le travail de médecin est un travail exceptionnel. La relation avec le patient, avec la vie, la mort. Et encore une fois, mon père était médecin, mon grand-père était médecin, mon oncle était médecin. Ma mère était pharmacienne et chercheuse. Ce monde est un monde, encore une fois, que je respecte infiniment. Et j'ai pensé être chirurgien parce que j'associe à la fois le monde du médecin et en plus un espèce d'engagement physique, en tout cas tel que je m'imaginais les opérations il y a 30 ans. Hein. Ça a peut-être changé, c'est plus maintenant de la technologie aussi. Et puis finalement, comme j'étais bon en maths aussi, j'ai basculé plutôt vers l'économie. Mais je pense que j'aurais pu être médecin. Et Je compare souvent le métier de banquier à un métier de médecin. C'est une référence que je fais. Je pense que le niveau de confiance qu'on doit développer avec nos clients, et pour moi, je l'assimile, c'est beaucoup plus important encore avec le médecin et sa vie qu'avec son argent, mais quand même, quelque part, c'est un lien de confiance que j'imagine assez proche dans ma manière de penser, en tout cas ce métier, avec le monde du médecin. Donc on peut être un banquier humaniste, Frédéric Oudé. Ah, j'espère, oui. Je crois, si vous voulez, que la réalité des banquiers, des banquières, de la Société Générale est un monde d'hommes et de femmes profondément engagés qui aiment leur métier. Et oui, heureusement, et une nouvelle fois, on vit des choses ensemble formidables qui montrent bien que, oui, heureusement, il y a un engagement des salariés dans plein de causes et que nous sommes des hommes et des femmes de chair et de cœur. C'est le moment des petites madeleines musicales. Frédéric Oudéa, voici la première. Le premier air de Papageno, celui que Mozart chantait sur son lit de mort, une magnifique histoire. C'est la flûte enchantée de Mozart et c'est dans l'interprétation dirigée par Bernard Haitink. Pourquoi ce choix, Frédéric Oudéa? Bah, ça remonte au collège et au fond, c'est probablement une de mes premières rencontres avec la musique classique. Mes parents aimaient la musique classique, mais on faisait aussi, enfin, j'avais fait du solfège, j'avais fait de la flûte à bec à l'école. Et on avait travaillé. Avec joie, c'était avec... Ah oui. C'était plutôt un morceau d'un moment de détente. J'avais travaillé sur, on avait fait chanter, la flûte enchantée, à la fois ce morceau que j'aime beaucoup siffler. Et puis d'autres morceaux comme l'air aussi entre Pamino et Tamina, ouais. L'air un peu plus mièvre, mais où ils déclarent un peu leur amour. Et je me souviens encore de ces airs, on va dire, 45 ans après. Ouais. Voilà, donc c'était cette première rencontre. Bon, en plus, un opéra gay, un opéra, en tout cas, qu'on peut prendre quand on est jeune, de manière assez accessible. Oui, il y a plusieurs visages. Il y a plusieurs visages, exactement. Comme un opéra maçonnique. Absolument. Mais on en est pas. Un divertissement. Voilà. Et là, on en était quand même plutôt à la logique du divertissement à l'âge où j'avais chanté avec des jeunes camarades de classe. Votre prédécesseur, Monsieur Bouton, était un fanatique d'opéra qui n'hésitait pas à traverser le monde pour voir un opéra. Et vous, est-ce que c'est un genre qui vous plaît? J'aime. Sans être aussi fanatique que lui, et j'aime vraiment toute forme de musique. J'aime un air avec une magnifique voix, qu'elle soit féminine ou masculine. J'aime énormément une œuvre orchestrale où on voit la force de l'orchestre. Il se trouve que j'ai travaillé aussi, ça remonte à 30 ans, sur un orchestre. L'Orchestre de Paris qui avait des difficultés financières à l'époque, et on m'avait envoyé en tant qu'inspecteur des finances, c'est de regarder le budget. Et j'avais regardé ça en comparant avec le LSO, un orchestre de Bavière, un orchestre suisse. Et j'avais découvert aussi le monde de l'orchestre à cette occasion-là, en ayant eu la chance d'aller à des concerts. Et je trouve que l'orchestre a une puissance, une harmonie, un collectif incroyable. Donc j'aime aussi beaucoup l'orchestre sans voix. J'aime l'opéra. Je vous interromps parce que c'est très très intéressant. Qu'est-ce que vous avez découvert sans trahir de secret? J'ai fait des choses épouvantables. J'ai été jusqu'à alors que j'étais leur faire un redressement. Non. Je n'étais pas dans ces logiques-là. Non, le problème c'était de regarder un peu encore une fois le niveau de subvention. Et j'étais jusqu'à recommander. Je m'en souviens encore d'augmenter le nombre de flûtistes et de réduire le nombre de contrebasses. Ah bon? Oui. Et je crois qu'ils ont suivi ma recommandation en plus. Donc ça reste dans la flûte. On reste dans la flûte, oui. C'est beau la flûte. Frédéric Oudéa, c'est le moment de votre deuxième petite madeleine musicale. sol, c'est dans Rodelinda de Handel. Et c'est un souvenir précis pour vous, Frédéric Oudéa. Oui, c'est un souvenir d'émotion intense. C'était à Glyndebourne en 98. J'étais en poste en Grande-Bretagne pour la Société Générale, mon premier poste. Et j'ai découvert d'abord ce lieu incroyable. C'est un endroit où il y a des opéras, mais c'est un endroit dans lequel on fait vraiment un voyage vers la musique. On prend le train. Et puis ensuite, il y a un car, on y va en smoking, c'est un endroit incroyable parce qu'on a d'abord un pique-nique dans un magnifique parc avec un ancien château. Et ils ont construit depuis, et j'étais dans cette nouvelle salle, une magnifique salle moderne. Et vous avez l'impression d'aller vers la musique, de ne pas y être tout de suite. Il y a cet accès incroyable avec des femmes avec plein de chapeaux. Je me souviens encore des plumes qui tombaient des chapeaux dans le train. Et j'ai découvert largement Handel à cette occasion-là et Andrea Scholl dans cet air et j'en ai eu vraiment les larmes aux yeux. Le Brexit, est-ce que ça vous laisse droit dans vos bottes ou est-ce que ça vous fait peur ? Ni l'un ni l'autre, c'est une très mauvaise nouvelle pour l'Europe. Je vais vraiment regretter cette décision. Et derrière, on sait que malheureusement, ça veut dire plusieurs années d'énergie consacrée à un divorce, alors que cette énergie, que ce soit de politique, de fonctionnaire ou d'entreprise, serait bien mieux utilisée à autre chose. Et c'est un questionnement pour l'Europe. Donc c'est quelque chose qui appelle une réponse des Européens, des pays européens. Cette réponse ne viendra peut-être pas dans les prochains mois à cause des élections. Il faudra qu'elle vienne vite, dès qu'il y aura les élections passées en Allemagne, en France, en Italie. Quel rapport les clients français ont avec leur banque? Est-ce que c'est un rapport de fidélité? Par rapport aux autres pays, est-ce que c'est un rapport affectif? Est-ce que c'est un rapport rationnel? Moi, je crois que c'est un rapport qui reste très bon et en dépit de la crise, on le voit, toutes les enquêtes le montrent, les Français restent attachés à leurs banquiers. Si les institutions sont parfois vues comme des symboles d'un capitalisme qu'on n'aime pas, ou de marché financier, à tort d'ailleurs, parce que les banques, c'est pas les marchés financiers, il y a très souvent cette confusion. Mais je crois que les clients sont attachés à leur banquier de proximité. Et ensuite, moi je suis frappé par le nombre de clients qui viennent me voir en me disant « ça fait 40 ans que je suis client de la Société Générale. Mes parents étaient clients de la Société Générale. » Pour l'anecdote, une fois, j'ai fait une réunion actionnaire et on m'a dit « vous savez, il y a une dame de 102 ans qui est là. » C'était une réunion actionnaire à 20h. Donc je me suis dit « oh là là !» Elle est venue et elle m'a expliqué qu'elle était effectivement cliente de près de 80 ans, que son mari était maintenant décédé. Donc, si vous voulez, c'est là où on a une responsabilité extraordinaire, mais aussi un métier extraordinaire. Parce qu'il y a peu de métiers où les gens viennent vous dire, ça fait 40 ans que je suis avec vous. Et je reviens à cette comparaison un peu avec le médecin. Il y a une confiance. Il y a une confiance. Comme il y a un médecin de famille. Exactement. Il y a un banquier de famille. Et c'est là où cette relation, elle est importante, précieuse. Il ne faut pas la décevoir parce que quand on déçoit, la décision est à la hauteur de la confiance qui avait été mise, mais c'est ça qui fait aussi toute la richesse de notre métier. Frédéric Oudéa, voici maintenant votre troisième petite madeleine musicale. Dernière sonate de Schubert, sonate Deutsch 960. Alors ici, c'est interprété par Radulupu. Et vous, vous avez un souvenir, Frédéric Oudéa, avec Aldo Ciccolini. Un souvenir picard? Oui, absolument. Là aussi, un grand souvenir de musique, un grand moment d'émotion. Je m'occupe avec d'autres d'un très modeste petit festival de musique dans un village de l'Oise. Dans lequel j'ai une maison qui s'appelle Gerberoy. Gerberoy. Et nous avons eu des extraordinaires concerts grâce à des directeurs musicaux connus, Philippe Cassard, par exemple, Nicolas Dautricourt. Ça fait maintenant probablement une quinzaine, une vingtaine d'années que se tiennent des concerts une fois par an, un week-end par an. Et nous avons réussi à faire venir dans ce petit village des artistes extraordinaires, de toute nature, des chanteurs, des quartettes, mais aussi, par exemple, beaucoup de pianistes connus. Paul Badura-Skoda était venu, et puis nous avons eu au moins à deux ou trois reprises Aldo Ciccolini. Et les concerts ont lieu dans une église dans laquelle je me suis marié, donc j'y attache évidemment un prix particulier. Et j'ai eu l'occasion de voir Aldo Ciccolini jouer cette sonate. J'étais juste derrière lui, il y avait le piano et il y a des stalles, j'étais par terre quasiment, mais j'étais à 2 mètres de lui. Et de le voir jouer par derrière, voir ses mains jouer cette sonate, qui est pour moi une des sonates de Schubert que je préfère. Mmh. Là aussi, que je connais presque par cœur. Je pourrais, non pas la jouer au piano, mais presque la chanter ou la siffler. Et je la trouve admirable et c'était exceptionnel de le voir jouer. Donc là, j'aime beaucoup voir la musique jouer. Je trouve qu'au-delà du disque, voir la musique, les musiciens en action, que ce soit des musiciens en soliste ou en concert, donnent une dimension supplémentaire à la musique. Et bien entendu, je suis attaché à ce festival. Qu'apporte, selon vous, Frédéric Oudéa, la musique dans la vie, le rapport avec la musique, qu'on soit instrumentiste ou simple, c'est pas toujours si simple. Enfin, en tout cas, amoureux de musique. Je trouve que la musique, mais comme d'ailleurs l'art, et j'aime aussi la peinture, c'est une manière vraiment de sortir du quotidien. C'est une manière, une nouvelle fois, de toucher du doigt une création exceptionnelle qui dépasse le temps, qui dépasse la mort et la vie. Quand on parle de Schubert, de Handel, ce sont des gens qui ont laissé une trace. Et comme je le disais, je suis aussi particulièrement intéressé par des destins qui ont été extraordinairement brefs. Schubert, Mozart, Van Gogh. Des vies très courtes, mais d'une intensité de création incroyable, qui nous dépasse totalement. Donc pour moi, c'est toucher à la beauté, c'est sortir encore une fois du quotidien, et c'est une forme de grand apaisement aussi. J'aime beaucoup, personnellement, travailler en musique. Je suis totalement capable de faire les deux, me concentrer sur la lecture de dossiers, mais en écoutant de la musique. Et on peut gagner des marchés, peut-être, avec du Wagner, par exemple. Oui, alors pas directement. J'ai été aussi. Alors, on emmène aussi bien sûr des clients, mais je crois que là, ça dépasse le business. Et pour revenir sur ce mécénat musical et ce prolongement, par exemple, dans ce concert, c'est aussi donner énormément de joie, donner de l'émotion, la fierté, l'expérience vécue par nos salariés, qu'ils soient d'ailleurs en France ou comme cette année du Cameroun ou du Maroc, à venir et ensemble avec des musiciens professionnels qui ont une générosité exceptionnelle, qui nous donnent de leur temps. François-Xavier Roth est un leader qui m'inspire, un leader charismatique. Mais c'est génial, c'est tout simplement génial. Frédéric Oudéa, vous avez choisi le deuxième mouvement, donc le mouvement lent du concerto numéro 5, Empereur, de Beethoven. Thank you. certains à ce micro ont cru à l'existence de Dieu, à l'écoute de ce mouvement du cinquième concerto de Beethoven, interprété par Arturo Benedetti Michelangeli avec Tchelibidac, avec l'Orchestre National de France. Frédéric Oudéa, qu'est-ce que vous évoque je lis d'abord dans vos yeux de l'émotion. Absolument. Ouais, c'est quand vous parlez de Dieu, je pense que entendre une musique pareille, c'est de l'émotion et la montée en puissance aussi de l'orchestre après le piano est exceptionnelle et je suis tout simplement à la fois porté et totalement admiratif de la création derrière un morceau de pareil. Et Beethoven, j'ai choisi ce morceau, j'aurais pu choisir d'autres morceaux. Je trouve que les cinq concertos pour piano sont magnifiques tous, mais celui-là atteint peut-être le sublime. Vous parliez tout à l'heure, Frédéric Oudéa, du rapport affectif entre le banquier et le client. Quel est le rôle philosophique d'un banquier? Parce que finalement, social et philosophique, parce qu'on l'a oublié avec... évidemment, tous ces conglomérats, la mondialisation, mais à quoi sert une banque aujourd'hui, fondamentalement? Si vous voulez, une banque, ça sert à faire des choses très importantes pour vous, pour les clients, qu'ils soient particuliers entreprises. C'est réaliser des projets, c'est financer l'économie. Quand quelqu'un veut acheter une maison, un appartement, une voiture, quand une entreprise veut financer une machine, quand une entreprise veut acquérir une autre entreprise, lorsqu'une entreprise veut exporter, elle ne peut pas le faire de manière sûre et le réaliser sans une banque qui va lui faire du crédit. Puis nous avons aussi un rôle essentiel dans l'épargne. Les Français épargnent. Les Français, on le sait, économisent pour leurs vieux jours, pour compléter leur retraite, pour parfois s'offrir quelque chose qui va leur faire plaisir. Et cette épargne, nous en assurons la sécurité. Donc, je le dis souvent, au-delà, je le répète, finalement, de la santé, de la vie, de la mort du médecin, de sa famille, l'argent, son argent, sa capacité à réaliser ses ambitions et ses projets, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça que nous sommes très importants dans les sociétés, dans l'économie. Et notre responsabilité est particulière et je crois qu'il faut qu'on soit porté, motivé, et je crois que c'est le cas par la beauté de cet engagement sociétal. Et la crise, selon vous, est-ce qu'elle a fragilisé la confiance entre les banquiers et ses clients? Au contraire, est-ce qu'elle a responsabilisé les deux? Elle a incontestablement terni l'image des banques, si vous voulez, en général, des marchés financiers. Je crois qu'en France, heureusement, ce qui est positif, si j'ose dire, c'est qu'on a évité les gros échecs que d'autres pays ont connus. Et le secteur bancaire français a continué à financer l'économie. Il n'y a nulle part ailleurs en Europe, on ne finance plus l'économie qu'en France, avec là des taux aussi, des taux d'intérêt qui sont bas. Donc je crois qu'on fait notre métier le mieux possible avec des salariés, des collaborateurs très engagés. Ensuite, la responsabilisation incontestablement, j'insiste énormément sur les éléments de culture, de responsabilité. C'est une de nos valeurs. Dans ce que nous faisons, dans les conseils que nous donnons, dans la manière de dire oui ou de manière de dire non, il faut que nous soyons pleinement responsables. Et je pense aussi que oui, que les clients doivent être eux-mêmes responsables. Quand on pense aux questions de surendettement, par exemple, il est important de ne pas prendre de risques financiers qui vous mettraient un moment en difficulté. Je crois que c'est une responsabilité qui est partagée. À nous de contribuer à cette responsabilisation croissante, éduquer, former, conseiller. Frédéric Oudéa, c'est le moment d'une autre page de publicité. Nous aussi, il faut qu'on gagne d'argent. Et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme. Passion classique avec Olivier Bellamy. Rediffusion de l'émission de 18h. Frédéric Oudéa, avez-vous chanté à Playing for Philharmonie, à la Philharmonie de Paris? Va-t-on vous entendre ce soir sur Radio Classique à travers les 300 musiciens et choristes? Alors, pas cette année. L'année dernière, j'avais chanté un peu et je vais essayer de rechanter. On m'a proposé de le faire et il faut savoir que, encore une fois, les répétitions sont très nombreuses. Je voyage évidemment beaucoup. J'ai presque une forme de hésitation à manquer des répétitions, mais j'aimerais bien réussir à chanter. Et puis alors il y a une musicienne qui m'a proposé quelque chose de fou, qui serait génial si j'y arrive, qui serait même d'arriver, mais il faut que j'en parle à François-Xavier, peut-être essayer de conduire un morceau de musique avec l'orchestre. Ça, ça c'est si j'y arrivais. C'est le grand rêve. Ce serait génial. De tenir la baguette. Comme tenir ça. La baguette, oui, ça doit être enivrant. J'imagine que ça doit être enivrant. Bon, mais on va déjà commencer par chanter un peu. Alors, Frédéric Oudéa, vous avez choisi alors Beethoven toujours, Sonate au clair de lune. Est-ce qu'il vous arrive, quand il y a un piano, de faire quelques arpèges? Encore une fois, d'abord j'aime bien le piano, je trouve que c'est quand même un instrument incroyable. Et puis, ce que j'aime beaucoup, et notamment dans Beethoven, c'est une nouvelle fois la sonate, qui est au fond une musique concentrée sur un instrument, un artiste, avec des mouvements très différents, mais concentrée sur un instrument. Et puis, encore une fois, le concerto. Je trouve que Beethoven a parfaitement su créer dans ces deux registres des choses admirables. Je peux soit chanter, soit siffler de temps en temps. Il y a des airs qui m'inspirent. J'aime bien de temps en temps siffler, ça horripile mon épouse, alors je le fais pas trop quand même. Et pas au concert, s'il vous plaît. Ah non, bah bien sûr, là. Bien entendu. C'est le début de la sonate Claire de Lune de Beethoven, interprétée par Alfred Brendel. Sur vos 5 enfants, Frédéric Oudéa, y en a-t-il un de musiciens qui sauve l'honneur de la famille? Pas vraiment. Oh. J'ai deux grandes filles qui ont fait plutôt de la danse. Oui. Ah, mais qui se sont arrêtés. Aussi. Et puis alors j'ai 3 petits garçons qui sont aujourd'hui plus fanatiques de foot et de tennis que de piano. On a essayé de les mettre au piano et puis on a eu un peu de mal. Je ne désespère pas, ils sont encore très très jeunes, mais c'est un peu dur. On ne leur montre pas l'exemple. Alors vous avez choisi la Traviata qu'on écoutera dans un instant. La Société Générale, dont vous êtes le directeur général, Frédéric Oudéa, aide les formations musicales. Vous en êtes fier de ça, de ce partenariat? Extrêmement, parce que il s'inscrit donc dans la durée, près de 30 ans. Il touche, comme je l'ai dit, des orchestres d'excellence. Et je pense qu'on a énormément de musiciens de très grands talents en France. Nous avons réussi, je pense, à contribuer à développer les carrières de certains musiciens aujourd'hui très, très célèbres. Et puis, c'est, comme je l'ai dit aussi, l'accès de plein de jeunes à la musique, qui peut aider énormément. C'est la musique, c'est, je pense, comme le sport, comme d'autres formes d'art. Nous avons aussi une fondation d'art contemporain que nous ouvrons à des élèves des écoles voisines de la Défense. Nous avons la capacité, je pense, à faire découvrir des nouveaux horizons à des jeunes. Et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement utile, qui peut susciter des vocations, qui peut permettre à certains de découvrir quelque chose qu'ils n'auraient jamais découvert autrement, et peut-être de construire des parcours personnels qui vont déboucher vers de très belles choses. Donc je crois qu'on aide beaucoup, et en plus c'est vrai, dans un monde où l'argent public se fait peut-être plus rare, la constance de notre engagement est une source de stabilité pour les orchestres comme les associations que nous finançons. Je le dis toujours, le fait de savoir que la Société Générale sera là cette année, mais pas seulement cette année, dans un an, dans 2 ans, dès lors que, bien entendu, les associations, les orchestres partenaires restent tout autant engagés dans les mêmes causes, c'est pour eux, je pense, une source de solidité, de fiabilité, et ça leur permet de construire leur projet dans le temps qui est nécessaire. Quand on parle de ces enjeux d'insertion et autres, c'est pas, encore une fois, en un an qu'on règle les problèmes. Quand vous parlez à ces responsables d'associations ou à ces responsables de formation musicale, leur projet demande là aussi du temps et donc de la stabilité dans les ressources. Et vous avez choisi la Traviata. Et j'imagine pas le passage où Alfredo lance de l'argent à la tête de Violetta, qui ni en tant qu'homme, ni en tant que banquier, doit être un moment très agréable pour vous. On est d'accord, mais cet opéra, je le trouve exceptionnel. J'aurais pu choisir pratiquement tous les morceaux. Je trouve qu'il n'y a pas un moment d'ennui. Ah, c'est un opéra quasi parfait, absolument. Et dans des styles et des moments très très différents. Donc le choix a été difficile, mais j'ai choisi tout de même. Oh, Anna Netrebko qui interprète l'air final, l'Addio del Passato de la Traviata de Verdi. Voilà, et c'est sur ces notes sublimes que se termine cette émission. Frédéric Oudéa, merci beaucoup d'être venu. C'est rare de voir des banquiers, des grands patrons venir comme ça présenter leurs goûts musicaux. Nous sommes très très heureux. Merci d'avoir pris sur votre temps aussi. Ce fut un plaisir, comme d'ailleurs de voir aussi nos collaborateurs jouer à Pleyel et à la Philharmonie de Paris. Eh bien, un grand merci aux auditeurs aussi qui ont adressé leur message à Frédéric Oudéa pendant l'émission sur le site radioclassique.fr. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Roberto Alagna. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique. Respirez. Vous êtes sur Radio Classique.